La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 3e, Les Romains et leurs faux dieux. Argument. Après avoir parlé, dans le livre précédent, des mots qui regardent l'âme et les mœurs, Saint-Augustin considère ici les mots qui regardent le corps et les choses extérieures. Il fait voir que les Romains, dès l'origine, ont eu à endurer cette dernière sorte de maux, sans que les faux dieux, qu'ils adoraient librement avant l'avènement du Christ, aient été en rien capables de les en préserver. Markemdanarchive.org, 2019, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Chapitre 1er. Des seuls mots que redoutent les méchants, et dont le culte des dieux n'a jamais préservé le monde. Je crois en avoir assez dit sur les mots qui sont le plus à redouter, c'est-à-dire sur ceux qui regardent les mœurs et les âmes, et je tiens pour établi que les faux dieux, loin d'en alléger le poids à leurs adorateurs, ont servi au contraire à l'aggraver. Je vais parler maintenant des seuls maux que les idolâtres ne veulent point souffrir, tels que la faim, les maladies, la guerre, le pillage, la captivité, les massacres, et autres déjà énumérés au premier livre. Car le méchant ne met au rang des maux que ceux qui ne rendent pas l'homme mauvais, et il ne rougit pas, au milieu des biens qu'il loue, d'être mauvais lui-même. En les louant, il est plus peiné d'avoir une mauvaise vie là qu'une mauvaise vie, comme si le plus grand bien de l'homme était d'avoir tout bon hormis soi-même. Or, je ne vois pas que les dieux du paganisme, au temps où leur culte fleurissait en toute liberté, aient garanti leurs adorateurs de ces maux qu'ils redoutent uniquement. En effet, avant l'avènement de notre Rédempteur, quand le genre humain s'est vu affligé en divers temps et en divers lieux d'une infinité de calamités, dont quelques-unes même sont presque incroyables, quels autres dieux adoraient-ils que les faux dieux, à l'exception toutefois du peuple juif et d'un petit nombre d'âmes d'élite qui, en vertu d'un jugement de Dieu, aussi juste qu'impénétrable, ont été dignes, en quelque lieu que ce fût, de recevoir sa grâce. Je passe, pour abréger, les grands désastres survenus chez les autres peuples et ne veux parler ici que de l'Empire soumission avant la naissance du Christ, faisait déjà partie du corps de l'État. Voyez le sentiment développé de saint Augustin dans son livre, De la prédestination des saints, numéro 19. Et la lettre, 102, à Deo Gratias. Numéro 15. Chapitre 2. Si les dieux que servaient en commun les Romains et les Grecs ont eu des raisons pour permettre la ruine de Troie. Et d'abord pourquoi Troie ou Ilion, berceau du peuple romain, car il n'y a plus rien à taire ou à dissimuler sur cette question, déjà touchée au chapitre 4 dans le premier livre. Pourquoi Troie a-t-elle été prise et brûlée par les Grecs, dont les dieux étaient ses dieux? C'est, dit-on, que Priam a expié le parjure de son père Laomédon. Voyez Virgile, Géorgique, livre 1er, 502. Il est donc vrai qu'Apollon et Neptune louèrent leurs bras à Laomédon pour bâtir les murailles de Troie, sur la promesse qu'il leur fit, et qu'il ne tint pas, de les payer de leur journée. J'admire qu'Apollon, surnommé le divin, ait entrepris une si grande besogne sans prévoir qu'il n'en serait point payé. Et l'ignorance de Neptune, son oncle, frère de Jupiter et roi de la mer, n'est pas moins surprenante, car Homère, qui vivait, suivant l'opinion commune, avant la naissance de Rome, lui fait faire au sujet des enfants d'aînés, fondateurs de cette ville les prédictions les plus magnifiques. Iliade, champ 20, 302, 305. Il ajoute même que Neptune couvrit Énée d'un nuage pour la dérober à la fureur d'Achille, bien que ce dieu désirât, comme il l'avoue dans Virgile, renverser de fond en comble ses murailles de Troie construites de ses propres mains pour le parjure Laomédon. Énéide, livre 5, 810-811. Voilà donc des dieux aussi considérables que Neptune et Apollon qui, ne prévoyant pas que Laomédon retiendrait leur salaire, se sont faits constructeurs de murailles gratuitement et pour des ingrats. Prenez garde, car c'est peut-être une chose plus grave d'adorer des dieux si crédules que de leur manquer de parole. Homère lui-même n'a pas l'air de s'en rapporter à la fable, puisqu'en faisant de Neptune l'ennemi des Troyens, il leur donne pour ami Apollon, que le grief comme un aurait dû mettre dans l'autre partie. Si donc vous croyez aux fables, rougissez d'adorer de pareils dieux. Si vous n'y croyez pas, ne parlez plus du parjure Laomédon. Ou bien alors expliquez-nous pourquoi ces dieux si sévères pour les parjures de Troie sont si indulgents pour ceux de Rome. Car autrement comment la conjuration de Catilina, même dans une ville aussi vaste et aussi corrompue que Rome, eût-elle trouvé un si grand nombre de partisans nourris de parjures et de sang romain? Saint Augustin rappelle les propres expressions de Salluste, Conjuration de Catilina, chapitre 14. Que faisaient chaque jour dans les jugements les sénateurs vendus? Que faisait le peuple dans ses comices et dans les causes plaidées devant lui? Que se parjurait sans cesse? On avait conservé l'antique usage du serment au milieu de la corruption des mœurs, mais c'était moins pour arrêter les scélérats par une crainte religieuse que pour ajouter le parjure à tous les autres crimes. Chapitre 3. Les dieux n'ont pu s'offenser de l'adultère de Paris, ce crime étant commun parmi eux. C'est donc mal expliquer la ruine de Troie que de supposer les dieux indignés contre un roi parjure, puisqu'il est prouvé que ces dieux, dont la protection avait jusque-là maintenu l'empire troyen, à ce que Virgile assure, n'ont pu la défendre contre les Grecs victorieux. Énéide, livre 2, 352. L'explication tirée de l'adultère de Paris n'est pas plus soutenable, car les dieux sont trop habitués à conseiller et à enseigner le crime pour s'en être fait les vengeurs. La ville de Rome, dit Salluste, eut, selon la tradition, pour fondateurs et pour premiers habitants des Troyens fugitifs qui iraient çà et là sous la conduite d'Énée. Conjuration de Catilina, chapitre 6. Je conclus de là que si les dieux avaient cru devoir punir l'adultère de Paris, ils auraient dû à plus forte raison, ou tout au moins au même titre, étendre leur vengeance sur les Romains, puisque cet adultère fut l'œuvre de la mère d'Énée. Mais pouvait-il détester dans Paris un crime qu'il ne détestait point dans sa complice Vénus, devenue d'ailleurs mère d'Énée par son union adultère avec Anchise? On dira peut-être que Ménélas fut indigné de la trahison de sa femme, au lieu que Vénus avait affaire à un mari complaisant. Je conviens que les dieux ne sont point jaloux de leurs femmes, à ce point même qu'ils daignent en partager la possession avec les habitants de la terre. Mais, pour qu'on ne m'accuse pas de tourner la mythologie en ridicule et de ne pas discuter assez gravement une matière de si grande importance, je veux bien ne pas voir dans Énée le fils de Vénus. Je demande seulement que Romulus ne soit pas le fils de Mars. Si nous admettons l'un de ces récits, pourquoi rejeter l'autre? Quoi, il serait permis aux dieux d'avoir commerce avec des femmes, et il serait défendu aux hommes d'avoir commerce avec les déesses? En vérité, ce serait faire à Vénus une condition trop dure que de lui interdire en fait d'amour ce qui est permis au dieu Mars. D'ailleurs, Les deux traditions ont également pour elles l'autorité de Rome, et César s'est cru descendant de Vénus. Voyez sur ce point la vie de César dans Suétone, tout autant que Romulus s'est cru fils du dieu de la guerre. Chapitre 4. Sentiment de Varron sur l'utilité des mensonges, qui font naître certains hommes, du sang des dieux. Quelqu'un me dira, est-ce que vous croyez à ces légendes? Non, vraiment, je n'y crois pas, et Varron même, le plus docte des Romains, n'est pas loin d'en reconnaître la fausseté, bien qu'il hésite à se prononcer nettement. Il dit que c'est une chose avantageuse à l'État que les hommes d'un grand cœur se croient du sang des dieux. Exalté par le sentiment d'une origine si haute, l'âme conçoit avec plus d'audace de grands desseins, les exécute avec plus d'énergie et les conduit à leur terme avec plus de succès. Cette opinion de Varron, que j'exprime de mon mieux en d'autres termes que les siens, vous voyez quelle large porte elle ouvre au mensonge, et il est aisé de comprendre qu'il a dû se fabriquer bien des faussetés touchant les choses religieuses, puisqu'on a jugé que le mensonge, même appliqué aux dieux, avait son utilité. Chapitre 5. Il n'est point croyable que les dieux aient voulu punir l'adultère dans Paris, l'ayant laissé impuni dans la mer de Romulus. Quant à savoir si Vénus a pu avoir aîné de son commerce avec Anchise, et Mars avoir Romulus de son commerce avec la fille de Numitor, c'est ce que je ne veux point présentement discuter. Car une difficulté analogue se rencontre dans nos saintes écritures, quand il s'agit d'examiner si en effet les anges prévaricateurs se sont unis avec les filles des hommes et en ont eu ces géants, c'est-à-dire ces hommes prodigieusement grands et forts dont la terre fut alors remplie. Saint Augustin traitera cette question au livre 15, chapitre 23, voir aussi question sur l'Heptateuque, question sur la Genèse chapitre 3. Je me bornerai donc à ce dilemme. Si ce qu'on dit de la mère d'aînée et du père de Romulus est vrai, comment l'adultère chez les hommes peut-il déplaire aux dieux, puisqu'ils le souffrent chez eux avec tant de facilité? Si cela est faux, il est également impossible que les dieux soient irrités des adultères véritables, puisqu'ils se plaisent au récit de leurs propres adultères supposés. Ajoutez que si l'on supprime l'adultère de Mars, afin de retrancher du même coup celui de Vénus, voilà l'honneur de la mère de Romulus bien compromis, car elle était vestale, et les dieux ont dû venger plus sévèrement sur les Romains le crime de sacrilège que celui de parjure sur les Troyens. Les anciens Romains allaient même jusqu'à enterrer vives les vestales convaincues d'avoir manqué à la chasteté, au lieu que les femmes adultères subissaient une peine toujours plus douce que la mort, tant il est vrai qu'ils étaient plus sévères pour la profanation des lieux sacrés que pour celle du lit conjugal. Voyez Tite Live, livre 10, chapitre 31. Chapitre 6. Les dieux n'ont pas vengé le fratricide de Romulus. Il y a plus. Si les crimes des hommes déplaisaient tellement aux dieux qu'ils eussent abandonné Troie au carnage, et à l'incendie pour punir l'adultère de Paris, le meurtre du frère de Romulus aurait dû les irriter beaucoup plus contre les Romains que ne l'avait fait contre les Troyens l'injure d'un mari grec, et ils se seraient montrés plus sensibles au fratricide d'une ville naissante qu'à l'adultère d'un empire florissant. Et peu importe à la question que Romulus ait seulement donné l'ordre de tuer son frère, ou qu'il l'ait massacré de sa propre main, violence que les uns nient imprudemment, tandis que d'autres la mettent en doute par pudeur, ou par douleur la dissimulent. Sans discuter sur ce point les témoignages de l'histoire, toujours est-il que le frère de Romulus fut tué, et ne le fut point par les ennemis, ni par des étrangers. C'est Romulus qui commit ce crime ou qui le commanda, Et Romulus était bien plus le chef des Romains que Paris ne l'était des Troyens. D'où vient donc que le ravisseur provoque la colère des dieux contre les Troyens, au lieu que le fratricide attire sur les Romains la faveur de ces mêmes dieux? Que si Romulus n'a ni commis, ni commandé le crime, c'est toute la ville alors qui en est coupable, puisqu'en ne le vengeant pas elle a manqué à son devoir. Le crime est même plus grand encore, car ce n'est plus un frère, mais un père qu'elle a tué, Rémus étant un de ses fondateurs, bien qu'une main criminelle l'ait empêché d'être un de ses rois. Je ne vois donc pas ce que Troie a fait de mal pour être abandonnée par les dieux et livrée à la destruction, ni ce que Rome a fait de bien pour devenir le séjour des dieux et la capitale d'un empire puissant, et il faut dire que les dieux, vaincus avec les Troyens, se sont réfugiés chez les Romains, afin de les tromper à leur tour, ou plutôt ils sont demeurés à Troie pour en séduire les nouveaux habitants, tout en abusant les habitants de Rome par de plus grands prestiges pour en tirer de plus grands honneurs. Voyez Tite Live, livre 1er, 17. Denis d'Halicarnasse, Antiquité romaine, livre 1, chapitre 87. Plutarque, Vie de Romulus, chapitre 10, et Cicéron, Traité des devoirs, livre 3, chapitre 10. Chapitre 7. De la seconde destruction de Troie par Fimbria, un des lieutenants de Marius. Quel nouveau crime en effet avait commis Troie pour mériter qu'au moment où éclatèrent les guerres civiles, le plus féroce des partisans de Marius, Fimbria, lui fit subir une destruction plus sanglante encore et plus cruelle que celle des Grecs. Du temps de la première ruine, un grand nombre de Troyens trouva son salut dans la fuite, et d'autres en perdant la liberté conservèrent la vie, mais Fimbria ordonna de n'épargner personne, et brûla la ville avec tous ses habitants. Voilà comment Troie fut traitée, non par les Grecs indignés de sa perfidie, mais par les Romains nés de son malheur, sans que les dieux, qu'elle adorait en commun avec ses bourreaux, se missent en peine de la secourir, ou pour mieux dire sans qu'ils en eussent le pouvoir. Est-il donc vrai que pour la seconde fois ils s'éloignèrent tous de leur sanctuaire, et désertèrent leurs autels? Énéide 2, 351, ces dieux dont la protection maintenait une cité relevée de ses ruines? Si cela est, j'en demande la raison car la cause des dieux me paraît ici d'autant plus mauvaise que je trouve meilleure celle des Troyens. Pour conserver leur ville à Scylla, ils avaient fermé leur porte à Fimbria, qui, dans sa fureur, incendia et renversa tout. Or, à ce moment de la guerre civile, le meilleur parti était celui de Scylla, car Scylla s'efforçait de délivrer la République opprimée. Les commencements de son entreprise étaient légitimes, et ses suites malheureuses n'avaient point encore paru. Qu'est-ce donc que les Troyens pouvaient faire de mieux? Quelle conduite plus honnête, plus fidèle, plus convenable à leur parenté avec les Romains, que de conserver leur ville au meilleur parti, et de fermer leur porte à celui qui portait sur la République ses mains parricides? On sait ce que leur coûta cette fidélité, que les défenseurs des dieux expliquent cela comme ils le pourront. Je veux que les dieux aient délaissé des adultères, et abandonné Troie aux flammes des Grecs, afin que Rome, plus chaste, naquît de ses cendres. Mais depuis, pourquoi ont-ils abandonné cette même ville, mère de Rome, et qui, loin de se révolter contre sa noble fille, gardait au contraire au parti le plus juste une sainte et inviolable fidélité? Pourquoi l'ont-ils laissé en proie, non pas aux Grecs généreux, mais aux plus vils des Romains? Que si le parti de Scylla, à qui ces infortunés avaient voulu conserver leur ville, déplaisait aux dieux, d'où vient qu'ils lui promettaient tant de prospérité? Cela ne prouve-t-il point qu'ils sont les flatteurs de ceux à qui sourit la fortune plutôt que les défenseurs des malheureux? Ce n'est donc pas pour avoir été délaissé par les dieux que Troie a succombé. Les démons, toujours vigilants à tromper, firent ce qu'ils purent, car au milieu des statues des dieux renversés et consumés, nous savons par Tite Live qu'on trouva celle de Minerve intacte dans les ruines de son temple. Non sans doute afin qu'on pût dire à leur louange, Dieu de la patrie, dont la protection veille toujours sur Troie. Énéide 2, 702-703. Mais afin qu'on ne dit pas à leur décharge, ils ont tous abandonné leur sanctuaire et délaissé leurs autels. Ainsi, il leur a été permis de faire ce prodige, non comme une consécration de leur pouvoir, mais comme une preuve de leur présence. Note. Ce récit devait se trouver dans le livre 83, un des livres perdus de Tite Live. Voyez, sur la tradition du Palladium, Servius, sur l'Énéide de Virgile, livre 2, 166. Chapitre 8. Rome devait-elle se mettre sous la protection des dieux de Troie? Confier la protection de Rome aux dieux troyens après le désastre de Troie, quelle singulière prudence! On dira peut-être que, lorsque Troie tomba sous les coups de Fimbria, les dieux s'étaient habitués depuis longtemps à habiter Rome. D'où vient donc que la statue de Minerve était restée debout dans les ruines d'Ilion? Et puis, si les dieux étaient à Rome pendant que Fimbria détruisait Troie, ils étaient sans doute à Troie pendant que les Gaulois prenaient et brûlaient Rome, mais comme ils ont loué très fine les mouvements pleins d'agilité, ils accoururent au cri des oies, pour protéger du moins le Capitole. Quant à sauver le reste de la ville, ils ne le purent, ayant été averti trop tard. Chapitre 9. Faut-il attribuer aux dieux la paix dont jouirent les Romains sous le règne de Numa? On s'imagine encore que si Numa Pompilius, successeur de Romulus, jouit de la paix pendant tout son règne et ferma les ports du temple de Janus qu'on a coutume de tenir ouvertes en temps de guerre, il dut cet avantage à la protection des dieux, en récompense des institutions religieuses qu'il avait établies chez les Romains. Et, sans doute, il y aurait à féliciter ce personnage d'avoir obtenu un si grand loisir, s'il avait su l'employer à des choses utiles et sacrifier une curiosité pernicieuse à la recherche et à l'amour du vrai Dieu. Mais, outre que ce ne sont point les dieux qui lui procurèrent ce loisir, je dis qu'il l'aurait moins trompé, s'il l'avait trouvé moins oisif, car moins ils le trouvèrent occupé, plus ils s'emparèrent de lui. C'est ce qui résulte des révélations de Varron, qui nous a donné la clé des institutions de Numa et des pratiques dont il se servit pour établir une société entre Rome et les dieux. Mais nous traiterons plus amplement ce sujet en son lieu, livre 7, chapitre 34, s'il plaît au Seigneur. Pour revenir au prétendu bienfait de sa divinité, je conviens que la paix est un bienfait, mais c'est un bienfait du vrai Dieu, et il en est d'elle comme du soleil, de la pluie et des autres avantages de la vie, qui tombent souvent sur les ingrats et les pervers. Supposez d'ailleurs que les dieux aient en effet procuré à Rome et à Numa un si grand bien, pourquoi ne l'ont-ils jamais accordé depuis à l'Empire romain, même dans les meilleures époques? Est-ce que les rites sacrés de Numa avaient de l'influence, quand ils les instituaient, et cessaient d'en avoir, quand on les célébrait après leur institution? Mais au temps de Numa, ils n'existaient pas encore, et c'est lui qui les fit ajouter au culte. Après Numa, ils existaient depuis longtemps, et on ne les conservait qu'en vue de leur utilité. Comment se fait-il donc que ces 43 ans, ou selon d'autres, ces 39 ans du règne de Numa se soient passés dans une paix continuelle, et qu'ensuite, Une fois les rites établis et les dieux invoqués comme tuteurs et chefs de l'Empire, ils ne se soient trouvés, depuis la fondation de Rome jusqu'à Auguste, qu'une seule année, celle qui suivit la première guerre punique, où les Romains, car le fait rapporté comme une grande merveille, et pu fermer les ports du temple de Janus. Ce fut l'an de Rome 519, sous le consul Datilius et de Manlius. Voyez Tite-Live, livre 1er, chapitre 19.